Homère, l'Odyssée, chant 13. Il parla ainsi, et tous, dans les demeures obscures, restaient muets et charmés. Et Alcinoos lui répondit: Ô Odysseus, puisque tu es venu dans ma haute demeure d'airain, je ne pense pas que tu erres de nouveau, et que tu subisses d'autres maux pour ton retour, car tu en as beaucoup souffert. Et je dis ceci à chacun de vous qui, dans mes demeures, buvez l'honorable vin rouge et qui écoutez l'Aouïde. Déjà sont enfermés dans le beau coffre les vêtements et l'or bien travaillé, et tous les présents que les chefs des Phéaquiens ont offerts à notre hôte. Mais allons, que chacun de nous lui donne encore un grand trépied et un bassin. Réunis de nouveau, nous nous ferons aider par tout le peuple, car il serait difficile à chacun de nous de donner autant. Alcinoos parla ainsi, et ses paroles plurent à tous, et chacun retourna dans sa demeure pour y dormir. Quand Éos aux doigts rosés, né au matin, apparut, ils se hâtèrent vers la nef, portant les reins solides, et la force sacrée d'Alcinoos déposa les présents dans la nef. Et il les rangea lui-même sous le banc des rameurs, afin que ceux-ci, en se courbant sur les avirons, ne les heurtassent point. Puis ils retournèrent vers les demeures d'Alcinoos et préparèrent le repas. Au milieu d'eux, la force sacrée d'Alcinoos égorgea un bœuf pour Zeus Cronide, qui amasse les nuées et qui commande à tous. Et ils brûlèrent les cuisses. Et ils prirent, charmés, l'illustre repas. Et au milieu d'eux chantait le divin Aoïde, Démodocos, honoré des peuples. Mais Odysseus tournait souvent la tête vers Hélios, qui éclaire toutes choses, pressé de se rendre à la nef et désirant son départ. De même que le laboureur désire son repas, quand tout le jour, ses bœufs noirs ont traîné la charrue dans le sillon, et qu'il voit enfin la lumière de Hélios tomber. Et il se rend à son repas, les genoux rompus de fatigue. De même, Odysseus vit tomber avec joie la lumière de Hélios. Et, aussitôt, il dit aux Phéaquiens habiles aux avirons, et surtout à Alcinoos: Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, renvoyez-moi sain et sauf, et faites des libations. Je vous salue tous. Déjà, ce que désirait mon cher cœur est accompli. Mon retour est décidé, et je possède vos chers présents, dont les dieux uraniens m'ont fait une richesse. Plaise aux dieux que je retrouve dans ma demeure ma femme irréprochable, et mes amis sains et saufs. Pour vous, qui vous réjouissez ici de vos femmes et de vos chers enfants, que les dieux vous donnent la vertu et vous préservent de tout malheur public. Il parla ainsi, et tous l'applaudirent, et décidèrent de renvoyer leur hôte qui parlait toujours si convenablement. Et alors, la force d'Alcinoos dit au héros: Pontonos, distribue du cratère plein du vin à tous dans la demeure, afin qu'ayant prié le père Zeus, nous renvoyions notre hôte dans sa patrie. Il parla ainsi, et Pontonos mêla le vin mielleux et le distribua à tous. Et ils firent des libations aux dieux heureux qui habitent le large Ouranos, mais sans quitter leur siège. Et le divin Odysseus se leva, et mettant aux mains d'arrêter une coupe ronde, il dit ces paroles ailées: Salut, ô reine, et sois heureuse jusqu'à ce que t'arrive la vieillesse et la mort qui sont inévitables pour les hommes. Moi, je pars. Toi, réjouis-toi dans ta demeure de tes enfants, de tes peuples et du roi Alcinoos. Ayant ainsi parlé, le divin Odysseus sortit, et la force d'Alcinoos envoya le héros pour le précéder vers la nef rapide et le rivage de la mer. Et Arrêté envoya aussi ses servantes, et l'une portait une blanche chlamyde et une tunique, et l'autre un coffre peint, et une troisième du pain et du vin rouge. Étant arrivés à la nef et à la mer, aussitôt les marins joyeux montèrent sur la nef creuse et y déposèrent le vin et les vivres. Puis ils étendirent sur la poupe de la nef creuse un lit et une toile de lin, afin qu'Odysseus fût mollement couché. Et il entra dans la nef, et il se coucha en silence. Et s'étant assis en ordre sur les bancs, ils détachèrent le câble de la pierre trouée. Puis, se courbant, ils frappèrent la mer de leurs avirons. Et un doux sommeil se répandit sur les paupières d'Odysseus, invincible, très agréable et semblable à la mort. De même que dans une plaine, un quadrige des talons, excité par les morsures du fouet, dévore rapidement la route, de même la nef était enlevée, et l'eau noire et immense de la mer sonnante se ruait par derrière. Et la nef courait ferme et rapide, et l'épervier, le plus rapide des oiseaux, n'aurait pu la suivre. Ainsi, courant avec vitesse, elle fendait les eaux de la mer, portant un homme ayant des pensées égales à celles des dieux, et qui, en son âme, avait subi des maux innombrables dans les combats des hommes et sur les mers dangereuses. Et maintenant, il dormait en sûreté, oublieux de tout ce qu'il avait souffert. Et quand la plus brillante des étoiles se leva, celle qui annonce la lumière d'Éos, née au matin, alors la nef qui fendait la mer aborda l'île. Le port de Phorcys, vieillard de la mer, est sur la côte d'Ithaque. Deux promontoires abrupts l'enserrent et le défendent des vents violents et des grandes eaux, et les nefs à bancs de rameurs, quand elles y sont entrées, y restent sans câble. À la pointe du port, un olivier aux rameaux épais croît devant l'antre obscur, frais et sacré, des nymphes qu'on nomme naïades. Dans cet antre, il y a des cratères et des amphores de pierre où les abeilles font leur miel, et de longs métiers à tisser où les nefs travaillent des toiles pourprées admirables à voir. Et là sont aussi des sources inépuisables. Et il y a deux entrées, l'une pour les hommes vers le Boréas et l'autre vers le Notos pour les dieux. Et jamais les hommes n'entrent par celle-ci, mais seulement les dieux. Et dès que les Phéaquiens eurent reconnu ce lieu, ils y abordèrent. Et une moitié de la nef s'élança sur la plage, tant elle était vigoureusement poussée par les bras des rameurs. Et ceux-ci, étant sortis de la nef à bancs de rameurs, transportèrent d'abord Odysseus hors de la nef creuse, et avec lui le lit brillant et la toile de lin, et ils le déposèrent endormi sur le sable. Et ils transportèrent aussi les choses que lui avaient données les illustres Phéaquiens à son départ, ayant été inspirés par la magnanime Athéna. Et ils les déposèrent donc auprès des racines de l'olivier, hors du chemin, de peur qu'un passant y touchât avant le réveil d'Odysseus. Puis ils retournèrent vers leur demeure. Mais celui qui ébranle la terre n'avait point oublié les menaces qu'il avait faites au divin Odysseus, et il interrogea la pensée de Zeus. « Père Zeus, je ne serai plus honoré par les dieux immortels, puisque les Phéaquiens ne m'honorent point, eux qui sont cependant de ma race. En effet, je voulais qu'Odysseus souffre encore beaucoup de maux avant de rentrer dans sa demeure. Mais je ne lui refusai point entièrement le retour, puisque tu l'as promis et juré. Et voici qu'ils l'ont conduit sur la mer, dormant dans leur nef rapide, et qu'ils l'ont déposé dans Ithaque. Et ils l'ont comblé de riches présents, d'airain, d'or et de vêtements tissés si nombreux qu'Odysseus n'en eût jamais rapporté autant de Troie, s'il en était revenu sain et sauf avec sa part de butin. Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi. Ô Dieu, toi qui entoures la terre, qu'as-tu dit? Les immortels ne te mépriseront point, car il serait difficile de mépriser le plus ancien et le plus illustre des dieux. Mais si quelque mortel, inférieur en force et en puissance, ne te respecte point, ta vengeance ne sera pas tardive. Fais comme tu le veux et comme il te plaira. Et Poséidon, qui ébranle la terre, lui répondit. Je le ferai aussitôt, ainsi que tu le dis, toi qui amasses les nuées, car j'attends ta volonté et je la respecte. Maintenant, je veux perdre la belle nef des Phéaquiens, qui revient de son voyage sur la mer sombre, afin qu'il s'abstienne désormais de reconduire les étrangers. Et je placerai une grande montagne devant leur ville. Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondit. Ô Poséidon, il me semble que ceci sera pour le mieux. Quand la multitude sortira de la ville pour voir la nef, transforme, près de terre, la nef rapide en un rocher, afin que tous les hommes l'admirent et placent une grande montagne devant leur ville. Et Poséidon, qui ébranle la terre, ayant entendu cela, s'élança vers Scheria, où habitaient les Phéaquiens. Et comme la nef, vigoureusement poussée, arrivait, celui qui ébranle la terre la frappa de sa main, la transforma en rocher aux profondes racines et s'éloigna. Et les Phéaquiens illustres par les longs avirons se dirent les uns aux autres. Ô Dieu, qui donc a fixé notre nef rapide dans la mer comme elle revenait vers nos demeures? Chacun parlait ainsi, et ils ne comprenaient pas comment cela s'était fait. Mais Alcinous leur dit. Ô Dieu, certes, voici que les anciens oracles de mon père se sont accomplis, car il me disait que Poséidon s'irriterait contre nous, parce que nous reconduisions tous les étrangers sains et saufs. Et il me dit qu'une belle nef des Phéaquiens se perdrait à son retour d'un voyage sur la sombre mer, et qu'une grande montagne serait placée devant notre ville. Ainsi parla le vieillard, et les choses se sont accomplies. Allons, faites ce que je vais vous dire. Ne reconduisons plus les étrangers, quel que soit celui d'entre eux qui viennent vers notre ville. Faisons un sacrifice de 12 taureaux, choisis à Poséidon, afin qu'il nous prenne en pitié et qu'il ne place point cette grande montagne devant notre ville. Il parla ainsi, et les Phéaquiens craignirent, et ils préparèrent les taureaux. Et les peuples, les chefs et les princes des Phéaquiens suppliaient le roi Poséidon, debout autour de l'autel. Mais le divin Odysseus se réveilla, couché sur la terre de la patrie, et il ne la reconnut point, ayant été longtemps éloigné. Et la déesse, Pallas Athéna, l'enveloppa d'une nuée, afin qu'il restât inconnu et qu'elle l'instruisît de toutes choses, et que sa femme, ses concitoyens et ses amis ne le reconnussent point avant qu'il eût réprimé l'insolence des prétendants. Donc, tout lui semblait changé, les chemins, le port, les hautes roches et les arbres verdoyants. Et, se levant et debout, il regarda la terre de la patrie, et il pleura. Et se frappant les cuisses de ses deux mains, il dit en gémissant. Ô malheureux, dans quelle terre des hommes suis-je venu? Ceux-ci sont-ils injurieux, cruels et iniques? Sont-ils hospitaliers? Et leur esprit est-il pieux? Où porter toutes ces richesses? Où aller moi-même? Plutôt Dieu que je fusse resté avec les Phéaquiens. J'aurais trouvé quelque autre roi magnanime qui m'eût aimé et donné des compagnons pour mon retour. Maintenant, je ne sais où porter ces richesses, ni où les laisser, de peur qu'elles soient la proie d'étrangers. Ô Dieu, ils ne sont point, en effet, véridiques ni justes, les princes et les chefs des Phéaquiens qui m'ont conduit dans une terre étrangère, et qui me disaient qu'ils me conduiraient sûrement dans Ithaque, mais ils ne l'ont point fait. Que Zeus, qu'on supplie, me venge d'eux, lui qui veille sur les hommes, et qui punit ceux qui agissent mal. Mais je compterai mes richesses, et je verrai s'ils ne m'en ont rien enlevé en les transportant hors de la nef creuse. » Ayant parlé ainsi, il compta les beaux trépieds et les bassins, et l'or et les beaux vêtements tissés. Mais rien n'en manquait. Et il pleurait la terre de sa patrie, et il se jeta en gémissant sur le rivage de la mer, au bruit sans nombre. Et Athéna s'approcha de lui sous la figure d'un jeune homme, pasteur de brebis, tel que sont les fils des rois. Ayant un beau vêtement sur ses épaules, des sandales sous ses pieds délicats, et une lance à la main. Et Odysseus, joyeux de la voir, vint à elle, et lui dit ces paroles ailées. Ô ami, puisque je te rencontre le premier en ce lieu, salut. Ne viens pas à moi dans un esprit ennemi. Sauve ses richesses, et moi. Je te supplie comme un dieu, et je me mets à tes chers genoux. Dis-moi la vérité, afin que je la sache. Quelle est cette terre? Quels hommes l'habitent? Quel est ton peuple? Est-ce une belle île? Ou est-ce la côte avancée dans la mer d'une terre fertile? Et la déesse Athéna, aux yeux clairs, lui répondit. Tu es insensé, ô étranger, ou tu viens de loin, puisque tu me demandes quelle est cette terre? Car elle n'est point aussi méprisable, et beaucoup la connaissent, soit les peuples qui habitent du côté d'Éos et de Hélios, ou du côté de la nuit obscure. Certes, elle est âpre et non faite pour les chevaux, mais elle n'est point stérile, bien que petite. Elle possède beaucoup de froment et beaucoup de vignes, car la pluie et la rosée y abondent. Elle a de bons pâturages pour les chèvres et les vaches, et des forêts de toutes sortes d'arbres. Elle est arrosée de sources qui ne tarissent point. C'est ainsi, étranger, que le nom d'Ithaque est parvenu jusqu'à Troie, qu'on dit si éloignée de la terre achéenne. Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus furent remplis de joie, se réjouissant de sa patrie que nommait Pallas Athéna, la fille de Zeus tempétueux. Et il lui dit en paroles ailées, en lui cachant la vérité, car il n'oubliait point son esprit rusé. J'avais entendu parler d'Ithaque dans la grande Crète, située au loin sur la mer. Maintenant je suis venu ici avec mes richesses, et j'en ai laissé autant à mes enfants. Je fuis, car j'ai tué le fils bien-aimé d'Idoménée, Orsilochos aux pieds rapides, qui dans la grande Crète l'emportait sur tous les hommes par la rapidité de ses pieds. Et je le tuai parce qu'il voulait m'enlever ma part du butin, que j'avais rapporté de Troie, et pour laquelle j'avais subi 1000 maux dans les combats des hommes ou en parcourant les mers. Car je ne servais point pour plaire à son père dans la plaine troyenne, et je commandais à d'autres guerriers que les siens. Et dans les champs, m'étant mis en embuscade avec un de mes compagnons, je perçai de ma lance d'airain Orsilochos qui venait à moi, et comme la nuit noire couvrait tout l'Ouranos, aucun homme ne nous vit, et je lui arrachai l'âme sans témoin. Et quand je l'eus tué de l'airain aigu, je me rendis aussitôt dans une nef des illustres Phéaquiens, et je les priai de me recevoir, et je leur donnai une part de mes richesses. Et je leur demandai de me porter à la terre de Pylos, ou dans la divine Hélice, où commandent les Épéiens. Mais la force du vent les en éloigna malgré eux, car ils ne voulaient point me tromper. Et nous sommes venus ici, à l'aventure, cette nuit, et nous sommes entrés dans le port, et sans songer au repas, bien que manquant de force, nous nous sommes tous couchés en sortant de la nef. Et le doux sommeil m'a saisi tandis que j'étais fatigué. Et les Phéaquiens, ayant retiré mes richesses de leur nef creuse, les ont déposées sur le sable où j'étais moi-même couché. Puis ils sont partis pour la belle Sidone et m'ont laissé plein de tristesse. Il parla ainsi et la déesse Athéna, aux yeux clairs, se mit à rire. Et, le caressant de la main, elle prit la figure d'une femme belle et grande et habile aux travaux, et elle lui dit ces paroles ailées. Ô fourbe, menteur, subtil et insatiable de ruse, qui te surpasserait en adresse, si ce n'est peut-être un dieu? Tu ne veux donc pas, même sur la terre de ta patrie, renoncer aux ruses et aux paroles trompeuses qui t'ont été chères dès ta naissance? Mais ne parlons pas ainsi. Nous connaissons tous deux ces ruses, et de même que tu l'emportes sur tous les hommes par la sagesse et l'éloquence, ainsi je me glorifie de l'emporter par là sur tous les dieux. N'as-tu donc point reconnu Pallas Athéna, fille de Zeus, moi qui t'assiste toujours dans tous tes travaux et qui te protège, moi qui t'ai rendu chère à tous les Phéaquiens? Viens donc afin que je te conseille et que je t'aide à cacher les richesses que j'ai inspirées aux illustres Phéaquiens de te donner à ton retour dans tes demeures. Je te dirai les douleurs que tu es destiné à subir dans tes demeures bien construites. Subis-les par nécessité. Ne confie à aucun homme, ni à aucune femme, tes courses et ton arrivée, mais supporte en silence tes maux nombreux et les outrages que te feront les hommes. Et le subtil Odysseus lui répondant parla ainsi. Il est difficile à un homme qui te rencontre de te reconnaître, ô déesse, même au plus sage, car tu prends toutes les figures. Certes, je sais que tu m'étais bienveillante quand nous, les fils des Achéens, nous combattions devant Troie. Mais quand nous eûmes renversé la haute citadelle de Priam, nous montâmes sur nos nefs et un dieu dispersa les Achéens. Et depuis je ne t'ai point revue, fille de Zeus, et je n'ai point senti ta présence sur ma nef pour éloigner de moi le malheur, mais toujours le cœur accablé dans ma poitrine, j'ai erré jusqu'à ce que les dieux m'aient délivré de mes maux. Et tu m'as encouragé par tes paroles chez le riche peuple des Phéaquiens, et tu m'as conduit toi-même à leur ville. Maintenant, je te supplie par ton père. Je ne pense point en effet être arrivé dans Ithaque, car je vois une terre étrangère, et je ne pense pas que tu me parles ainsi pour te jouer de moi et tromper mon esprit. Dis-moi donc, sincèrement, si je suis bien arrivé dans ma chère patrie. Et la déesse Athéna, aux yeux clairs, lui répondit. Tu as donc toujours cette pensée dans ta poitrine? Mais je ne puis permettre que tu sois malheureux, car tu es éloquent, intelligent et sage. Un autre homme, de retour après avoir tant erré, désirerait ardemment revoir sa femme et ses enfants dans ses demeures. Mais toi, tu ne veux parler et apprendre qu'après avoir éprouvé ta femme qui est assise dans tes demeures, passant les jours et les nuits dans les gémissements et les larmes. Certes, je n'ai jamais craint ce qu'elle redoute, et je savais dans mon esprit que tu reviendrais, ayant perdu tous tes compagnons. Mais je ne pouvais m'opposer aux frères de mon père, à Poséidon qui était irrité dans son cœur contre toi, parce que tu avais aveuglé son cher fils. Et maintenant, je te montrerai la terre d'Ithaque afin que tu croies. Ce port est celui de Phorcys, le vieillard de la mer. Et à la pointe du port, voici l'olivier épais, devant l'antre haut et obscur des nefs sacrées qu'on nomme Naïade. C'est cette caverne où tu sacrifiais aux nymphes de complètes hécatombes. Et voici le mont Nérythos, couvert de forêts. Ayant ainsi parlé, la déesse dissipa la nuée et la terre apparut. Et le patient et divin Odysseus fut plein de joie, se réjouissant de sa patrie. Et il baisa la terre féconde. Et aussitôt, levant les mains, il supplia les nymphes. Nymphe, naïade, fille de Zeus, je disais que je ne vous reverrai plus. Et maintenant, je vous salue d'une voix joyeuse. Je vous offrirai des présents comme autrefois, si la dévastatrice fille de Zeus me laisse vivre et fait grandir mon cher fils. Et la déesse Athéna aux yeux clairs lui répondit. Prends courage, et que ceci ne t'inquiète point. Nous déposons aussitôt tes richesses au fond de l'antre divin, où elles seront en sûreté, et délibérons tous deux sur ce qu'il y a de mieux à faire. Ayant ainsi parlé, la déesse entra dans la grotte obscure, cherchant un lieu secret. Et Odysseus y porta aussitôt l'or et le dur airain, et les beaux vêtements que les Phéaciens lui avaient donnés. Il les y déposa, et Pallas Athéna, fille de Zeus tempétueux, ferma l'entrée avec une pierre. Puis, tous deux, s'étant assis au pied de l'olivier sacré, méditèrent la perte des prétendants insolents. Et la déesse Athéna aux yeux clairs parla la première. Divin Laertiade, subtil Odysseus, songe, comment tu mettras la main sur les prétendants insolents qui commandent depuis 3 ans dans ta maison, recherchant ta femme divine et lui faisant des présents. Elle attend toujours ton retour, gémissant dans son cœur, et elle donne de l'espoir, et elle fait des promesses à chacun d'eux, et elle leur envoie des messagers, mais son esprit a d'autres pensées. Et le subtil Odysseus lui répondant, parla ainsi. Ô Dieu, je devais donc, comme l'Atréide Agamemnon, périr d'une mauvaise mort dans mes demeures. Si tu ne m'eusses averti à temps, ô déesse, mais dis-moi, comment nous punirons ces hommes? Debout auprès de moi, souffle dans mon cœur une grande audace, comme au jour où nous avons renversé les grandes murailles de Troie. Si tu restes, pleine d'ardeur, auprès de moi, ô Athéna aux yeux clairs, et si tu m'aides, ô vénérable déesse, je combattrai seul 300 guerriers. Et la déesse Athéna aux yeux clairs lui répondit. Certes, je serai auprès de toi, et je ne te perdrai pas de vue quand nous accomplirons ces choses. Et j'espère que le large pavé sera souillé du sang et de la cervelle de plus d'un de ces prétendants qui mangent tes richesses. Je vais te rendre inconnu à tous les hommes. Je riderai ta belle peau sur tes membres courbés. Je ferai tomber tes cheveux blonds de ta tête. Je te couvrirai de haillons qui font qu'on se détourne de celui qui les porte. Je ternirai tes yeux, maintenant si beaux. Et tu apparaîtras à tous les prétendants comme un misérable, ainsi qu'à ta femme et au fils que tu as laissé dans tes demeures. Va d'abord trouver le porcher qui garde tes porcs, car il te veut du bien, et il aime ton fils et la sage Pénélope. Tu le trouveras surveillant les porcs, et ceux-ci se nourrissent auprès de la roche du corbeau et de la fontaine Arétusée, mangeant le gland qui leur plaît et buvant l'eau noire. Reste là et interroge-le avec soin sur toutes choses, jusqu'à ce que je revienne de Sparte, ô belle femme, où j'appellerai, ô Odysseus, ton cher fils Télémaque, qui est allé dans la grande Lacédémone vers Ménélas pour s'informer de toi et apprendre si tu vis encore. Et le subtil Odysseus lui répondant, parla ainsi. Pourquoi ne lui avoir rien dit, toi qui sais tout? Est-ce pour qu'il soit errant et subisse 1000 maux sur la mer indomptée, tandis que ceux-ci mangent ses richesses? Et la déesse Athéna aux yeux clairs lui répondit. Qu'il ne soit point une inquiétude pour toi. Je l'ai conduit là moi-même, afin qu'il se fasse une bonne renommée. Mais il ne souffre aucune douleur. Il est assis, tranquille, dans les demeures de l'Atréide. Et tout lui est abondamment offert. À la vérité, les jeunes prétendants lui tendent une embûche sur leur nef noir, désirant le tuer avant qu'il rentre dans la terre de sa patrie. Mais je ne pense pas que cela soit, et je pense plutôt que la terre recevra auparavant plus d'un des prétendants qui mangent tes richesses. En parlant ainsi, Athéna le toucha d'une baguette, et elle dessécha sa belle peau sur ses membres courbés, et elle fit tomber ses beaux cheveux blonds de sa tête. Elle chargea tout son corps de vieillesse. Elle ternit ses yeux, si beaux auparavant. Elle lui donna un vêtement en haillons, déchiré, sale et souillé de fumée. Elle le couvrit ensuite de la grande peau nue d'un cerf rapide, et elle lui donna enfin un bâton et une besace misérable, attachée par une courroie tordue. Ils se séparèrent, après s'être ainsi entendus, et Athéna se rendit dans la divine Lacédémone, auprès du fils d'Odysseus.